Les médias chinois, iraniens, britanniques, russes, indiens, japonais, américains et égyptiens ont rapporté le vent courant que le maréchal Kim Jong-un a inspecté l'exercice de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Ils ont présenté à cette occasion des photos du maréchal coréen.